pom pom fat girl original. Me a the good, me a the bad girl. Qui fait du sale, qui fait du chata. Tu sais déjà promo plata. Fat pom pom fat girl original. Me a the good, me a the bad girl. Qui fait du sale, qui fait du chata. Tu sais déjà promo plata. Fat pom pom fat girl. Pas des victimes, y'a qui bad girl. No flip, one shot, no time. A se kri sile an ka fey, sa ka fey yo mal. Fe wal gade me de out en bas. Me di me ki sa ole a mazella. Veye sa an ka fey pa sou pa sa fey. Ay koke mamo mazella. Fat pom pom, fat gal original. Mi a di good, mi a di bad gal. Ki fey du sal, ki fey du chata. Tu sais déjà promo plata. Fat pom pom, fat gal original. Mi a di good, mi a di bad gal. Du sale qui fait du chata. Tu sais déjà promo plata. Baisse la tête et suis ça, you know. Slip de tête, c'est pas New York. Lâche la grappe, il fait chaud dehors. One we are one, je veux l'entendre fort. Baisse-toi, coq. Y'a coco dans le cockpit. Rassemblement de malpropre. Tu connais TikTok. Fat pom pom, fat gal original. Mi a di good, mi a di bad gal. Qui fait du sale qui fait du chata. Déjà promo plata. Fat pom pom, fat girl original. Mi a di good, mi a di bad girl. Qui fait du sale, qui fait du chata. Tu sais déjà promo plata.